Bonjour. Aujourd'hui, c'est comme un ouragan. Il est 21h08. C'est une émission féministe, mais pas que, et vous êtes sur Radio Dio 89.5. Aujourd'hui, on va parler d'argent et plus particulièrement de mutuelle d'argent. Ça fait un moment que j'ai envie de faire une émission sur l'argent. Plus précise, sur le partage de l'argent, les mutuelles d'argent, des réflexions sur l'héritage et les rapports individuels et politiquement de l'argent. Alors j'ai proposé à notre super émission féministe de faire une émission là-dessus et tout le monde a trouvé ça super. Aussi dans notre cadre féministe et anticapitaliste. Mais on trouvait ça tellement large comme thème que je ne savais pas par où commencer et alors ça traînait. Après, je me dis, peut-être c'est aussi trop large comme thème pour une émission et c'est nécessaire de faire plusieurs émissions sur ces thèmes. Alors ça a encore plus traîné. À un moment, je me dis, vas-y, on commence avec une émission très pratique aux pratiques qui parle ou présente des mutuelles d'argent qui existent déjà et que je connais. Alors j'ai écrit à plusieurs personnes qui sont dans des mutuelles, à Saint-Étienne-Saint-Julien, à Marseille, Lyon et Paris, avec une questionnaire très précise pour savoir depuis quand il existe, c'est comment le fonctionnement, les idées derrière, les problèmes, le changement du rapport à l'argent. Facile alors. Mais non, maintenant je me retrouve pour écrire une introduction pour cette émission et voilà, je me retrouve devant le même problème, trop large comme thème. J'ai envie d'écrire un discours super intelligent, bien sûr, avec des réflexions trop bien évaluées, et avec des positionnements et questionnements politiques trop intéressants. Mais comment faire? J'ai espéré de trouver des textes ou analyses déjà prêtes sur l'Internet, mais j'ai rien trouvé qui m'ait plu. Alors j'ai capté et accepté que je dois réfléchir et écrire toute seule. Et voilà ce que je suis en train de faire. Pour expliquer mon rapport au partage de l'argent. Quand j'ai habité en Allemagne, j'ai habité 7 ans dans un collectif à la campagne où on a partagé tout notre argent. Je le trouve nécessaire de vous expliquer en détail. On n'a rien inventé nouveau. Dans notre entourage, il existait déjà 4 autres collectifs qui partageaient leur économie et qui étaient part des grands collectifs de mutuelles d'argent en Allemagne. Cet grand collectif incluait à peu près 20 collectifs et alors environ 200 personnes. On se rencontrait une fois par an et on a aussi sorti une brochure une fois par an pour avoir des échanges là-dessus. Des réflexions autour de la pratique dans le quotidien, des questions au rapport d'argent, ce que ça évoque à chacun chacune, les questions des classes, les questions du travail, payé ou pas payé, la retraite, des visions anticapitalistes et féministes, plus ou moins. Pour préciser, c'était à 100% des gens qui habitaient ensemble et partageaient l'argent, avec des modalités plus ou moins pareilles. Pour comprendre mieux, j'ai envie de vous expliquer vite fait comment le partage du thun a fonctionné dans notre collectif. On a eu un compte bancaire ensemble, où tout le monde a eu une carte et l'accès pour faire des virements, etc. C'était facilement possible parce qu'on était seulement 7 personnes. En gros, il y avait tout notre thune dedans. En réalité, c'était un peu plus difficile parce que pour quelques personnes, c'était nécessaire de garder un compte sur leur nom pour des raisons différentes. Mais en gros, c'était ça. Tous les revenus ont été envoyés sur cet compte. On s'est dit que tout le monde peut prendre l'argent ou les dépenser comme elles ils veulent. Mais si c'est plus que 150 euros à une fois, faut le dire aux autres. Pour éviter qu'il y ait, par exemple, 6 personnes qui dépensent 200 euros dans la même semaine et après, il reste rien sur le compte. De toute façon, on a eu une fois par semaine rue, alors on pouvait parler pendant ce moment-là. Ça a élevé beaucoup de questions et émotions, pas seulement faciles. Qui se sent légitime de dépenser beaucoup d'argent et aussi pour faire quoi? Est-ce que je suis d'accord? Si quelqu'un, quelqu'une de mon collectif prend l'argent pour payer une billet d'avion de Berlin à Hambourg, même si moi, personnellement, je suis contre de prendre l'avion pour des distances courtes. Est-ce que je suis d'accord si une personne s'achète des grandes quantités d'alcool et moi, je bois pas, etc. Pourquoi les gens qui gagnent le plus d'argent se sentent plus légitimes de le dépenser que les personnes qui font le travail pas payé, garde d'enfants, ménage, etc. À qui ça fait peur s'il ne reste pas beaucoup d'argent sur le compte, et c'est qui reste tranquille? En vrai, on se sortit pas mal. On a beaucoup se raconté d'où on vient, de classe, de notre rapport à l'argent, nos peurs, nos forces et nos bases politiques. Il n'y avait pas vraiment des économies privées, pas des comptes cachés. Après, à un moment, une personne a hérité d'argent et voilà, les discussions ont recommencé. Comment faire avec cet argent? De découvrir que c'est un thème assez fragile, souvent très perso et très politique en même temps. Alors on a essayé un truc de glisser 10% d'héritage sur le compte commun et le reste c'était congelé sur un compte privé. Bof. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, j'ai quitté le collectif avant qu'on a fini à trouver une super solution de gérer ces trucs de l'héritage. En gros, j'ai vraiment bien aimé notre structure et des discussions. Ça m'a fait apprendre plein de choses et aussi réveiller des nouvelles questions. Mais en gros, je ne me sentis jamais seule avec des problèmes de thunes. C'était très, très rassurant. Et aussi, on a réfléchi comment faire s'il y a une personne qui quitte le projet. Parce que si la personne quitte le collectif, elle reste sans argent. Alors, on a fait des contrats individuels, c'est l'Allemagne quand même, où on a écrit comment faire. Le deal pour moi, par exemple, c'était que j'ai 200 euros par mois pendant 2 ans, et je m'ai acheté un camion pour avoir comme une maison. Bon, une petite maison. J'avoue, après, j'ai trouvé ça trop bizarre de gérer mon thune toute seule. J'ai trouvé que ça ne fait pas du sens. D'avoir plus des voitures communes, d'acheter la bouffe pour moi seule, etc. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Parce que voilà, fin de l'histoire, c'est que je suis atterrée à Saint-Étienne. Et surprise, surprise, il y avait une mutuelle d'argent. Alors j'étais trop contente et je suis allée direct. C'est très intéressant de remarquer comment c'est différent d'être dans une mutuelle avec des gens que je ne connaissais pas et avec qui je ne partage pas d'autres choses. Mais ça me plaît. Et même si j'ai beaucoup de critiques, parce que je suis une personne critique, j'apprécie beaucoup d'être dans cette mutuelle parce que ça me permet d'être pas seule avec toutes mes questions autour de l'argent. Et aussi de continuer d'essayer de trouver des moyens de construire des systèmes où la quantité de l'argent que tu as... Bon, je recommence. D'essayer de trouver des moyens de construire des systèmes où la quantité de l'argent que tu as n'est pas seulement liée à d'où tu viens, ton accès au travail, ton âge ou plein d'autres choses. Voilà pourquoi j'ai envie de faire une émission là-dessus. Pfff. C'est bon, je crois on peut commencer cette émission qui, comme je l'ai dit au début, va être sur des mutuelles d'argent différentes. On a aussi des invités, bon, plein des invités de toutes les grandes villes de la France. Il y a Chloé avec nous, de Lyon, là où il y a le plus de soleil du monde, comme à Saint-Étienne. Et ben, aujourd'hui, on m'a dit qu'à Lyon, on était une ville... c'était la ville où il y avait le moins de soleil et le moins de pluie par an. Voilà. Si vous comprenez cette phrase, vous pourrez nous rappeler à la fin de l'émission. Wouhou ! Alors, pour réfléchir tranquillement à cette phrase et aussi à cette superbe introduction, on va s'écouter Wanda Jackson, Money, Honey. Voilà. Je vous souhaite une bonne écoute. De Wanda Jackson, non? Wanda Honey. Et là, pour le début de discussion, on va écouter un petit entretien, self-entretien. Bon, on pourrait dire ça, self-entretien. Bon, on comprend. Parce que, comme j'ai dit, on a envoyé des questionnaires. Bon. À Paris, à Marseille, à Lyon. Bon, il y avait Marseille qui a répondu. Hein. Et c'était un peu des questions comme tu es dans quel mutuel, depuis quand ça existe, le fonctionnement de qu'est-ce que vous comptez comme revenu, c'est quoi le règlement pour l'argent fixe, ou si capital, héritage, épargne, tout ça. Des points critiques... des trucs que les personnes aimeraient améliorer, tout ça. Et alors, on va s'écouter maintenant la personne de la mutuelle de Marseille qui va répondre à toutes ces questions. C'est super. Merci Marseille. Je participe à une mutuelle à Marseille. Le projet, il a été lancé il y a environ deux ans. Et j'étais dans le petit groupe de base initial. J'étais allée discuter avec des potes. On était plein à avoir discuté avec des potes qui avaient monté d'autres mutuelles ailleurs. Et ça nous avait donné envie. Ça m'avait donné envie aussi. Et du coup, on a lancé une proposition de mutuelle sur la base de ce petit groupe qu'on était. On a écrit un appel. Il a circulé sur des listes communautaires, féministes et TPG de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Ce sont des listes pour s'organiser pour des actions, entre autres. Et pour gérer des lieux, bref. Et du coup, on a fait un appel pour que ceux et celles qui avaient envie de participer ils puissent nous rejoindre. Et ceux et celles, ça veut dire dans la mutuelle, il y a des la mixité choisie, c'est meuf, trans, PD, Gwyn. Il y a des gens que je connaissais, qui sont des potes, voire des amis. Et puis il y avait aussi des gens que j'avais jamais vus, mais qui sont, je le sais, des potes de potes. Ça fonctionne sur cooptation. Du coup, si t'as quelqu'un autour de toi à qui tu parles du projet et qui a envie de rejoindre le projet, tu demandes aux autres membres de la mutuelle si la personne peut rejoindre et hop, c'est parti. Il y a un espèce de semblant, aussi dans la manière dont on a lancé l'appel et recruté, etc. Il y a un espèce de semblant de base affinitaire politique. Féministe, autogestionnaire, et là qui veut un peu particulièrement réfléchir aux enjeux de classe. Du coup, en gros, on se retrouve tous les mois, on partage de l'argent. Cet argent, c'est 5% de tous nos apports en thunes, que ce soit des salaires, des aides d'État, un pote qui te fait un don, un pote, je veux dire, une connaissance, une grand-mère, t'as gagné au loto... En fait, toute la thune qui rentre pendant le mois, d'une manière ou d'une autre, on en compte les 5% après avoir déduit nos sorties d'argent fixes, genre les charges, loyer, les charges de maison, l'argent que t'as filé à quelqu'une d'autre. Donc 5%, tu décomptes les charges, et là, cet argent-là, t'y ajoutes 0,1% de l'argent qui est stocké, que tu stockes, qu'on appellerait genre des économies. Qui soit issu de tes propres économies d'argent que tu as trouvé dans la rue, d'argent que tu as gagné, d'argent qui sont issus d'un héritage du ciel ou je sais pas quoi. Donc 0,1% plus les 5%. Tout cet argent, il est collecté et après on le redistribue. D'abord à celles et ceux qui ont eu moins de 250 € de revenus. On essaye de remonter ces personnes-là à 250 €, et après on continue de redistribuer l'argent qui reste à celles et ceux qu'on a eu le moins. Par palier, on fait remonter les moins fortunés du mois à niveau égal progressivement comme ça. On a aussi un truc pour les personnes qui ont des enfants et qui partent avec 100 €. C'est 100 €, c'est un truc fixe quoi. À chaque début de réunion, on fait un point sur nos situations de thunes, on se rappelle d'où on vient, on fait un tour comme ça. On parle de notre milieu social et des moyens qu'on a en ce moment. Ça fait qu'il y a un rapport dans la redistribution, il y a un truc qui est anonymisé, mais en réalité, à chaque début de réunion, on brasse comme ça pour se dire les unes les autres où on en est et qui on est en réalité, au moins en termes de thunes. Et de manière plus épisodique, on se parle de notre rapport au travail, qu'il soit salarié ou non, de moyens qu'on a pour récupérer de l'argent, de rapport à ce qui est essentiel ou non, de nos besoins ou de nos envies, de ce qu'on peut faire en fait de cet argent, et qui en fait est hyper subjectif. On peut aussi parler de galères administratives, de se donner des billes. Ça nous est aussi arrivé de faire des points sur des réformes d'État qui étaient en cours, notamment pendant des grands mouvements sociaux autour du chômage et tout. On a essayé de décrypter ce qui était en train de se passer législativement et comment ça allait changer l'argent, comment ça allait changer quelque chose à l'argent qu'on touchait. Qu'on avait fait un point une fois sur la réforme des aides pour le logement, la réforme de l'ADA, de l'aide aux demandeurs d'asile et de son mode de distribution. On avait fait un point sur la réforme chômage. Assez rapidement, au début, au lancement de la mutuelle, on a décidé qu'on partagerait de l'argent, enfin le temps des réunions de partage d'argent, il serait fait rapidement, de façon assez pragmatique, quoi. Une heure ou deux. Et l'idée, c'était de pas braquer le temps des personnes qui avaient juste envie, pas de se taper des discussions, mais juste qui avaient besoin d'argent, quoi. Au début, ça m'a fait sens. Et puis avec le temps, je me suis demandé quelle pérennité ça pouvait donner pour le projet. Et que j'ai eu l'impression que si on se mettait à partager juste du temps ultra technique et grosso merdo, pas vraiment de plaisir à se retrouver aussi, et pas beaucoup d'espace pour que ça fasse de plus en plus sens qu'on essaye de fabriquer ensemble en tant que, en fait, on est quand même liés dans ce truc à fabriquer, et ben combien de temps les gens ils allaient avoir envie de s'investir ? Après, j'ai assez bien conscience que c'est mon point de vue. Cette histoire, de plaisir et puis de sens, quoi. Mais et c'est le point de vue de quelqu'un qui a... Moi, j'ai de l'argent de côté, j'ai déjà hérité, et je pense que je vais re-hériter. Et donc, j'ai pas besoin, en fait, de participer à cette mutuelle pour vivre, survivre, ni pour mieux vivre, en gros, quoi. Et concrètement, je suis là parce que ça me semble juste de partager du pognon, d'avoir un endroit pour refiler du pognon que je pense pas mériter particulièrement, enfin pas individuellement en tout cas, quoi, et de pouvoir le faire en dehors des liens juste entre potes. Et aussi de manière plus large, ça m'intéresse de réfléchir à des modèles de redistribution. En fait, souvent, ça me brasse cette idée. Vous voyez comment on va faire quand on aura gagné et fait tomber un gros gros bout de l'État qui nous fait chier. Comment on fera pour réinventer des caisses mutualistes, parce que aussi ces 70 dernières années, il y a des combats et des projets qui sont pas inintéressants. Et qui là sont pour l'instant des trucs au niveau national. Je pense à la Sécu, à la CAF, à la caisse chômage, à la caisse des retraites, etc. Machin. Ça, c'est des trucs qui sont nés de luttes qui me semblent ont du sens. Et c'est des projets mutualistes qui amenaient à désindividualiser le rapport au pognon. Et voilà, dans une espèce de perspective anar, je me demande comment on fait maintenant pour réfléchir à mettre en place des micro-expérimentations comme celle de cette mutuelle hyper locale où en fait on est 30 personnes et que ça nous donne des billes pour penser un peu plus grand et commencer à brasser des questions de qu'est-ce que ça veut dire redistribuer de l'argent tant qu'il y a de l'argent, quoi. Et voilà, en fait, ça brasse tout le temps plein de questions. Qui bosse, comment, pourquoi, c'est quoi toutes les techniques qu'on peut avoir pour faire rentrer de l'argent, comment on nique cette pensée même du mérite qui est liée à la question, à comment on a rattaché l'idée de l'argent à l'idée du travail, quoi.

Vas-y, go. Go, go, go. Ou pas. Oh. Hein. Non, d'abord les questions organisées. Ouais. Parce que je trouve que ça évoque plein de choses que... Enfin, je sais pas, moi, on pourrait partir dans plein de directions d'un coup. Du coup, je trouve que si c'est un peu structuré dès le début, c'est plus rassurant ouais. pour se lancer dans la chauffe de la discussion. Pour montrer qu'on est très, très organisé. Oui, c'est ça, le principe de comme un ouragan. Du coup, voilà, pour les gens qui nous écoutent, il y a trois personnes qui ont fait partie de Mutuelle qui vont répondre à des petites questions. Et du coup, la première, c'est un peu présenter l'orga pratique de la mutuelle dont on fait partie. Alors, qui veut commencer à se lancer? Notre invité? Alors. Bien sûr. Alors, moi, je viens d'une mutuelle de Lyon qu'on a créée en 2011, au printemps 2011, à la suite des mobilisations qui avaient lieu contre les lois, une loi contre les... qui modifiait le statut, le régime des retraites. On avait participé et on était un groupe de potes plus ou moins qui nous retrouvions assez régulièrement pour s'organiser sur les questions politiques, sur les stratégies, les mobilisations, où aller, et des questions de fond. Et on faisait beaucoup de solidarité avec des personnes qui venaient d'arriver en France, qui n'avaient pas de papier français et qui galéraient au niveau de la thune, ce que soit elles touchaient... pas, ou des revenus pas pérennes, ou elle bossait beaucoup. Et donc, il y avait cette question qui était posée de se dire, eh ben, comment en fait on sort d'une solidarité juste individuelle avec des personnes qui sont dans la galère et que ça vient pourrir tes relations avec tes amis, notamment qui étaient vécues avec cette solidarité avec des personnes qui étaient en galère en France. Et aussi cette question de qui tournait autour de c'est quoi nos relations affinitaires, comment on les construit dans le temps, à quoi elles sont rattachées, comment on partage la thune, comment on partage là, on vivait plus ou moins au RSA, au chômage, on t'a fait un petit peu, et du coup qu'est-ce que ça voulait dire de vieillir ensemble, avec les questions d'héritage, surtout d'héritage, qui allait ce qu'on se disait, quand on touche des héritages, comment ça vient transformer en tout cas notre rapport à la lutte, et un peu cette idée de communisme, on partage un peu comme ce qui était décrit soit dans l'intro ou soit dans la mutuelle de Marseille. Et du coup, on a invité plusieurs des potes, des camarades, plein de gens à venir rejoindre ce projet. Et on a créé une mutuelle qui ressemble un petit peu à ce qui était décrit à Marseille. Donc au début, on donnait 5% de nos revenus. Les règles, elles ont un peu changé. Donc je crois que c'était que 5% de nos revenus, de tous nos revenus. Et nous, ce qu'on considérait comme revenu, c'était tout ce que tu touches du début du mois jusqu'à la fin du mois. Donc on s'était donné un jour fixe, on se retrouve tous les 8. Là, le 8, tu fais passer ta thune par quelque moyen qu'il soit, ou alors tu viens à la réunion. Et ce que tu as touché par exemple, en élu... On est le 8 décembre, oui, c'est ça. Donc, du 8 novembre au 8 décembre, tout ce que tu as gagné, donc qu'il soit que mémé t'ait donné 10 euros, que t'aies travaillé au Black, que t'aies eu un salaire, que t'aies eu du RSA, les APL, je crois, d'ailleurs, tout ce qui rentrait sur ton compte bancaire ou pas, tu comptes ça, tu prends 5% de cet argent-là, on le met en commun. Et donc, il y avait cette idée de la moitié de l'argent et les redistribuer pour des personnes qui n'ont pas de thunes ou qui sont... Donc, on s'était basé sur les socles de l'État. Donc, la plupart, on était au RSA. Donc, on se disait, pour nous, c'était notre minimum pour vivre d'être au RSA, mais qu'il fallait au moins que tu aies 100 euros en cash pour pouvoir avoir un peu de débrouille au début du mois quand tu n'avais rien. Donc toutes les personnes qui étaient à zéro devaient être remontées à 100 euros, comme ce qui était expliqué à Marseille. Et après, c'était une redistribution entre toutes les personnes qui sont à moins de 400 euros. Et nous, c'était plus une distribution, donc ça faisait, tu comptais, il restait 300 euros. Donc tu divisais ça entre les 7 personnes et ça faisait que tu pouvais soit tu touchais pas beaucoup, soit si selon la proportion de personnes qui étaient à moins de 400 euros. Et ça changeait ce que tu pouvais avoir en redistribution. Et le reste de l'argent, c'était notre argent commun. Et il y a eu beaucoup de discussions sur cet argent commun. sur pourquoi on s'en sert. C'est une mutuelle. Est-ce que c'est comme une mutuelle dentaire? C'est quand t'as des problèmes? Ou alors c'est quand t'as pas de thunes? C'est quand tu veux? Est-ce que c'est plus important de te dire tu prends cet argent pour te faire un tatouage? Bon, c'était les exemples qu'on avait. Pour jouer au loto ou pour justement t'acheter des chaussures parce qu'elles sont trouées. Et on a eu beaucoup de réflexions sur comme ce que tu décrivais, quoi, sur l'usage de l'argent et d'avoir un rapport qui ça soit pas jugeant. Et aussi avec plein de questions, en sachant qu'on avait qu'on n'avait pas tous le même usage sur la thune. Et du coup, on voulait vachement se dégager de tout rapport de jugement. Toi tu économises vachement, toi tu dépenses tout le temps ton argent. Et donc cette caisse, on l'a appelée Bison, et on voulait que ça soit donc détaché d'une notion de que ça vient te secourir ou que ça soit une mutuelle pour un sujet comme il y avait. Nous, on connaissait les mutuelles pour les fraudeurs, par exemple. Et du coup, on voulait tu fraudes, t'as une amende, tu prends, mais t'avais pas de rapport à justifier, t'es légitime de pouvoir prendre cet argent face à cette situation et pas cette situation, quoi. On voulait bien le différencier. Et aussi, on voulait dire que c'était notre argent, que c'était un peu cette idée de on collectivise de l'argent ensemble et on vit ensemble avec de l'argent. Et donc, on perd pas de l'argent individuel, mais on gagne de l'argent collectif. Donc, c'était pour ça qu'il y avait ces deux notions de redistribution et d'argent collectif. Et du coup, parce qu'aussi toutes les situations ne se valent pas, tu peux être à 1000 euros et en fait être en fin de mois toujours avec les poches percées et être à 400 euros et t'en sortir super bien, parce qu'en fait tu as des situations de démerde ou de logement ou d'aide à d'autres personnes, de solidarité ou d'enfants, t'as plein de situations. Et donc on a proposé ça à plein de gens. Et moi, de ce que je me rappelle de cette période-là, c'est que comme on montait ça et qu'autour de nous, on n'avait pas de personne qui nous parlait de faire des trucs concrets autour de l'argent. C'était super intéressant parce que du coup, t'avais soit des trucs « Ah ouais, trop cool, on fait ça ensemble », on discutait tout le temps de notre rapport individuel, comment on s'en sort individuel, avec qui on veut collectiviser, est-ce que j'ai des dettes, pas des dettes, est-ce que... j'ai déjà de l'épargne, du coup c'est des trucs super personnels, intimes, t'es hyper pudique de cette situation que t'auras déjà vécu, ce que t'auras peut-être perdu quelqu'un de ta famille, du coup t'auras des trucs, t'auras déjà de l'héritage qui sera super bizarre et du coup de beaucoup de pudeur de le partager avec d'autres, ou alors des potes qui veulent pas collectiviser leur thune parce qu'elles estiment que dans cette mutuelle il y en a qui sont plus riches qu'elles et ça leur fout les boules, qui ont déjà des dettes, du coup comment j'arrive dans une mutuelle avec des dettes. Il y avait tout un bout comme ça qui s'abrassait beaucoup, et nous des fois on était non mais moi cet été je voudrais partir en vacances, donc là si je donne 50 euros à la mutuelle, comment je fais pour partir en vacances? On avait des trucs très déroutants. Parce que c'était la première fois qu'on mutualisait et du coup tout était un peu flippant comme ça. Mais moi je vais perdre mon argent. Mais non, mais en fait tu la reprends. Et puis si tu veux partir en vacances et que t'as pas assez de thunes, tu la prends dans Bison. Ça brassait tout le temps et des fois on se retrouvait avec des questionnements. Ouais, c'est ça. Mais du coup, si mémé m'offre pour Noël une super tronçonneuse, mais est-ce que c'est la même chose que si elle me donne 500 euros? Et d'ailleurs, on avait posé toutes nos situations cartes sur table et on se retrouvait des fois assez bêtes, en fait, à nos questions. Et ouais, ça nous a pas mal brassé. Je pense que ça nous a beaucoup fait changer. Et puis aussi, donc, dans cette mutuelle, dès le départ, on n'a pas été avec des personnes qui maîtrisions le français de la même manière. Donc, il y avait aussi, nous a suivi jusqu'à maintenant, des questionnements de comment on communique, comment on discute entre nous, comment on a cette attention à ce que la mutuelle soit pas toujours en français, ou que les gens n'ont pas la même maîtrise ou les mêmes codes autour de la langue, l'usage de la langue, et de savoir compter, de comprendre les règles et tout. Donc, on a toujours réfléchi à comment c'était accessible. Avec, c'est des initiatives, donc on y arrive plus ou moins à ces attentions qu'on a ou ce qu'on voit comme différence entre nous à y trouver des solutions ou à créer toujours des problèmes. Mais ça vous avez parce que moi par exemple j'ai participé à une mutuelle parce qu'il y avait des gens qui avaient participé à une mutuelle et que j'en avais entendu parler. Vous avez vraiment tout tout créé, quoi. Il y avait personne qui avait déjà participé à des mutuelles de thunes ou qui disait « Ah, mais je connais ça, comment ça peut fonctionner ?» et tout, quoi. Bah nous, on avait des imaginaires sur ce que tu décrivais de « tu collectivises tout ». Ouais. Donc vraiment, tu mets tout en commun, des imaginaires. Ouais, de groupes hyper affinitaires, super forts, tu partages toute ta vie ensemble. Et on avait les imaginaires des mutuelles ouvrières, parce que c'est pour ça qu'on l'a appelé la mutuelle, en fait, sur, sur aussi les caisses de grève, tu partages ton argent. Et cette question, mais qu'on brassait avec, avec plusieurs potes, et cette question des potes qui disaient, bah moi, de toute façon, en fait, dans le milieu, j'ai très, dans le milieu, je vais pas dire le milieu, dans les groupes militants de Anard, étudiants, autonomes, féministes, ou je sais pas, en fait, il y a, tu sais, on est jeunes et on est plein d'idéaux et on vit avec peu d'argent. Parce que étudiants ou des jobs précaires, des choses comme ça, mais sauf qu'on n'a pas les mêmes statuts dans la société. C'est qu'il y en a qui me... Moi, un pote, je me rappelle hyper bien, qui me disait, mais moi, en fait, je suis fils d'ouvrier, ma mère, mon père est ouvrier, mon père est maçon et ma mère, elle est aide-soignante et ils n'ont jamais rien eu, j'aurais jamais rien. Je sais très bien que quand on va vieillir, par rapport à la lutte, ça ne sera pas la même. Et du coup, moi, par exemple, je viens de famille d'agriculteurs qui ont toujours eu des terres. Et du coup, moi, super jeune, du côté de mon père, avec maçon qui a eu une entreprise. Et du coup, super jeune, j'ai eu la conscience que c'est ce fonds, en fait, qui a fait... Moi, je savais, à 20 ans, que j'allais avoir des héritages. Ça a toujours été construit comme ça. Du coup, ça m'a vachement... Moi, en tout cas, ça m'a... Quand il y a eu cette idée de collectiviser de la thune, notamment pour rapport aux potes qui étaient en galère, j'avais aussi envie de dire, en fait, il faut qu'on réfléchisse sur l'héritage et comment on va vieillir ensemble. Et donc, ça... Et dans des réseaux anticapitalistes, donc... qu'est-ce qu'on fait du capital? Les questions dérangent, c'était aussi on squattait, donc on brassait. Il y avait plein d'idées qui nous venaient de plein de trucs, mais c'est vrai qu'on connaissait, en tout cas à Lyon, on connaissait pas de... Je ne crois pas de gens qui mutualisaient de la thune. On connaissait des gens qui achetaient en commun des maisons. Moi, quand j'ai dit là, nous, on n'a rien inventé nouveau, je ne sais pas, le truc qui a vraiment aidé, quand il y avait plusieurs collectifs qu'ils ont fait déjà ça pendant 20 ans, et c'était trop bien parce qu'on est arrivé, ils ont raconté, quoi, on a eu fait une grande revue, ils ont raconté, alors nous, on fait comme ça, tout ça, tout ça. Bon, après, ça évite pas du tout que tu as, je crois, on a eu toutes les mêmes questions que tu as racontées. Quand même, parce que comme c'est super personnel, ton rapport, je trouve perso et politique en même temps, mais très individuel quand même aussi ton rapport à l'argent, parce que c'est toujours lié à ton histoire aussi, que tu brasses toutes ces questions ensemble, quoi. Et moi, je trouve ça assez intéressant aussi de voir comment ça change, ces trucs d'habiter ensemble et vraiment partager tout et de voir tout, de... Ok, tu as acheté ça ou tu fais ça ou toi tu es comme ça dans ta vie, que de faire ça avec des gens avec que tu partages pas ou pas plus. Je veux pas dire parce que ça crée des liens. Après, il y a aussi plus ou moins des gens avec que je partage d'autres trucs dans la mutuelle à Saint-Étienne, par exemple. Mais je trouvais ça plus cool de faire ça avec des gens avec que je connaissais pas parce que j'ai eu l'impression que c'était moins compliqué. Pour moi, en tout cas, parce que, en fait, c'est plus une décision politique pour dire, en fait, le moins je suis attachée avec des personnes émotionnellement, parce que là, j'ai déjà envie de partager des trucs, mais là, c'est vraiment nécessaire aussi de discuter des trucs, ou pourquoi vraiment aussi politiquement on a envie de faire ça, et que ça m'a fait du sens, que c'est moins d'un attachement émotionnel. Ouais, et puis moi du coup j'ai participé à une mutuelle avant, du coup là je suis pas dans une mutuelle en ce moment, je suis en train d'essayer de rejoindre une mutuelle mais je sais pas si... Oui, tu as accepté. Mais où nous on était, alors on vivait pas tous ensemble, mais on était 9 et effectivement sur plutôt le trip très affinitaire et où on partageait tout ensemble, c'est-à-dire qu'on mettait ensemble vraiment tout ce qui rentrait, il n'y avait pas de pourcentage, et après on dégageait en fonction de chacun et des dépenses une somme pour chaque personne. Puis, ce qui restait, c'était de l'argent collectif, quoi. Mais moi, je trouvais la grosse différence, surtout avec un système de répartition à 10%, et, c'est que ça permet de mutualiser large et très collectif, quoi. Et moi, c'était vraiment ça que quand j'ai appris un peu le fonctionnement qu'il y avait sur Lyon, parce que je me rappelle quand on a monté sur Rennes notre truc, nous, on s'est inspiré complètement de potes de Brest qui fonctionnaient. On s'est dit, ok, bon, on va faire à peu près la même. Et quand on a appris un peu là l'existence de la mutuelle lyonnaise, nous, moi vraiment, enfin en tout cas nous vraiment, ce que ça nous renvoyait, c'était ça, c'était la possibilité que ça soit quand même un outil pas mal accessible et assez pratique, quoi, pour mutualiser rapide, enfin. Je dis pas que c'est simple, hein, j'imagine, d'intégrer la mutuelle, de tout ce que ça brasse, etc. Mais en tout cas que... Qui n'est pas l'étape des calculs, genre... Ouais, c'est ça. C'est que nous, c'était... bon, après, je sais pas, vous, concrètement, combien de temps. Mais nous, c'était vraiment très long. Et puis, c'était vu que c'était toute ta thune, ça, j'ai l'impression que ça... Enfin, que ça... C'était quand même beaucoup d'enjeux. Et typiquement, cette mutuelle, elle n'a pas tenu très longtemps, par exemple. Mais pour moi, c'est ça aussi, quand tu dis vous étiez plutôt très proches, aussi habités ensemble, mais pas tout le monde. Pas tout le monde, mais on était clairement dans quelque chose de très affinitaire, ouais. Ouais, parce que pour moi, ça change aussi, c'était comme je dis, la synthé, je peux seulement peut-être vite fait aussi expliquer comment ça marche ici. Ouais. Bon, j'ai mes excuses à tous les gens de la mutuelle si j'explique mal, parce que comme là, ça fait 2 ans que je suis partie, et bon, on a essayé d'inviter des gens, mais bon, en confinement, tout ça, ça n'a pas marché. On s'en fout, je vais essayer de dire à peu près comment ça a marché, parce que en plus, ça, c'était un peu lié, si j'ai bien compris, à la mutuelle de Lyon, un peu les petites sœurs de Lyon ou un truc comme ça. C'est qu'on a une une ex sont partis à Saint-Étienne et qu'on voulait créer leur mutuelle. Parce que là, c'est Saint-Étienne et Saint-Julien ensemble. On a à peu près 20 personnes. Et c'est un peu pareil, là, ça fait comme une fois par mois, on a une rue, tout le monde met comme 10% de revenus dans une saladier. Une saladier vert. Bon, dans une saladier. Mais là, par exemple, on discute, par exemple, parce que là, il n'y a pas les APL dedans. Ça reste, par exemple, un truc à discuter qui est quand même assez intéressant. Et après, en tout cas, la moitié de ces 10%, déjà, c'est pareil quand tu as dit club à Lyon, que, mais là, c'est les gens qui ont moins de 200 balles, ils vont être, comment dire, remonter à 200 balles. Et après, cette moitié là qu'on redistribue, c'est tous les gens qui ont moins de 500 balles, ils partagent cet argent. Alors de temps en temps c'est plus, de temps en temps c'est moins. Et voilà, l'autre côté, l'autre moitié qui reste, c'est un peu tout le monde peut taper dedans au moment là, caché ou vu par tout le monde. Et après, ça vient aussi dans... Nous, on l'appelle le chameau. C'est une caisse qui est à Saint-Thier et à Saint-Ju. Et après, en fait, si pendant le mois, tu as besoin d'argent, aussi pour n'importe quoi, parce que ce n'est pas du tout nécessaire d'écrire pourquoi, c'est seulement... Tu prends l'argent dedans, tu écris, OK, moi, 100 balles, ou je ne sais pas, et après, voilà, tu peux le prendre, quoi. Mais pour tout vous avouer, c'est que nous, à la fin, maintenant, on est arrivé à ce fonctionnement-là. Mais ce que j'ai expliqué, c'était au début, sur quoi on était parti. Et après, c'est ça, c'est qu'on est parti sur 5% et qu'on a eu envie de collectiviser plus. Et c'est toujours un peu une des tensions qu'on a, de plus collectiviser, de plus, je sais pas, soit s'investir ou faire du commun ou... Ouais, faire groupe plus fort ou avoir plus, ou se mettre plus en danger. Et du coup, on est passé après, et après sur des questions aussi pareilles qu'à Saint-Thé, il y a la question de APL. Du coup, est-ce que c'est ton argent, c'est pas ton argent, la question du loyer. Et du coup, nous, on avait un peu créé un prix fixe, et qu'à un moment donné, on donnait 10% moins. C'était trop compliqué. Je me rappelle même plus, moins le prix de ton loyer. C'était un peu bizarre. Tu comptais tous tes revenus, t'enlevais le prix de ton loyer. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des... qu'à un moment, il n'y avait plus de thunes dans Bison et qu'on était plusieurs à squatter, qu'il y en avait qui avaient commencé à louer. Et que du coup, on s'est dit, eh ben, en fait, le loyer, c'est un truc super compliqué, ça coûte cher, c'est un prix fixe. Et puis, du coup, on avait enlevé les APL et le loyer, je crois. Parce que du coup, on trouvait que les APL, ça allait au proprio. Et après, on est passé à 10%, parce qu'en fait, en discussion, bah, le prix fixe était super différent selon les personnes. En fait, c'était qu'il concernait pas que le loyer, c'était que ça concernait aussi bah, la thune que t'envoies au bled, ta reprise d'études, ton enfant. Après, nous, à Lyon, on a la question des enfants, elle a toujours été mise un peu de côté. Elle n'a jamais été trop soulevée par les personnes qui étaient présentes. Et du coup, après, on a dit, bon, ben, en fait, on met tout l'argent, les 10%, et on voit ce que ça fait. Et du coup, maintenant, on a vraiment, on collectivise tous les 10% qu'on a par mois. Mais on voit aussi qu'on a changé selon le groupe et les questions qui se posaient, et un peu les envies que tu as de vouloir trouver des solutions pour les gens qui sont en galère. Parce qu'il y en a qui sont vraiment, c'est vraiment... Moi, je rejoins la pote de Marseille qui dit que, en plus, en ce moment, moi, je travaille en CDI, donc j'ai un revenu tous les mois. Donc, la mutuelle, c'est plus de l'argent que je donne, mais qu'on n'est pas tous sur la même situation. C'est qu'il y en a qui comptent vraiment dessus tous les mois. Et du coup, tu n'as pas les mêmes positions dans la mutuelle. Ouais, quand tu présentais au début, j'avais envie de poser une question sur le rapport à l'argent, et c'était quoi les outils ou les moyens de discussion pour s'aider à se sentir légitime à piocher dans les caisses ou à changer son rapport à l'argent. Enfin, je sais pas comment poser cette question clairement, mais voilà. Genre, peut-être avec quel rapport vous avez commencé. Quel rapport à l'argent vous aviez quand vous avez commencé dans la mutuelle, et quels trucs vous ont aidé à le changer et comment ça a bougé? Moi, j'ai très envie de répondre à cette question, mais est-ce qu'on se fait une petite pause musique avant? Oui, ce serait comme super. Ça, on peut garder ça sous le coude et puis on répond après. Ouais. Par exemple. C'est super. Morning with a strange sense of dread, brewed my own coffee, made my own bed, no breakfast laid out, no freshly baked bread. Fish through my closet to find a clean dress. Nothing's been washed, the place is a mess. Looked for my limousine. Once more, it's not there. I can't believe I'm not a millionaire. Where is the room that holds my shoes? This new deep my invitation. continuer la discussion autour des mutuelles d'argent et plus précisément autour du rapport à l'argent et de, avant de faire partie de la mutuelle, en gros, c'était quoi vos rapports à l'argent, comment il a bougé et grâce à quoi, en gros. C'est une autre question qu'avant. Hein. Moi, je me préparais à une autre question. Là. Non seulement parce que j'ai l'impression... Ou moi, peut-être j'ai mal compris, mais j'ai compris aussi ce truc de qui se sent et pourquoi légitime de prendre l'argent. Ouais. Et aussi les difficultés qui viennent avec. Que peut-être c'est un peu la même question, mais pour moi, perso, c'est pas le même truc. Ouais. Parce que je sais, ça c'était un peu un problème en tout cas dans la mutuelle où beaucoup de questionnements autour qui aussi vient, j'ai envie de dire, d'un rapport différent de l'argent et aussi un rapport différent à se permettre de toucher la caisse commune, quoi. Que comme si ça, pour quelques personnes, c'était comme seulement dans un truc d'urgence de dire. Ah merde là, mais puis non, là j'ai vraiment plus du tout l'argent, alors là je peux prendre et pas du tout dans... Bon, en vrai, là j'ai envie d'inviter une pote au resto et aller au cinéma, alors je prends dans la caisse. Et je trouve ça, c'est en tout cas des trucs qui sont assez difficiles parce que je trouve que c'est un truc... Bon, c'est difficile pour dire à apprendre, mais un peu quand même parce que c'est difficile de participer à une mutuelle si tu n'oses pas apprendre l'argent. Pour moi, ça ne marche pas. C'est quand même une step que tu dois faire pour dire, en fait, si j'ai envie de participer à une mutuelle, je ne peux pas avoir du mal à donner ou prendre l'argent. Et pour ça aussi, de vraiment voir l'argent de mutuelle, pas dans un truc à l'extérieur de moi, mais vraiment de l'argent de moi, de nous, quoi. Et pour ça, que ça ne fait pas une différence que c'est la thune à toi ou à nous. Parce qu'on... ouais, je sais pas. Et nous, on a essayé des petits outils comme il y avait des personnes qui ont plus de mal, de se dire, OK, tout le monde raconte un peu pourquoi elle ou il prend l'argent pour rendre la plus facile, pour dire plein de raisons différentes pourquoi on se sent légitime de prendre dans la caisse, comme voilà, l'exemple cinéma... je sais pas, vraiment des trucs, c'est pas seulement un truc d'urgence. Et bon, ça a plus ou moins aidé, parce que je crois en vrai, si profondément dans toi tu as un problème là de prendre l'argent, ou tu te sentais pas légitime, c'est... Oui, je trouve, pour moi, ça reste un truc dans les mutuelles là que je trouve assez difficile à régler, quoi. Ou régler. Bah... En tout cas, moi, j'ai l'impression que sur Rennes, nous, clairement, c'était aussi un truc qui mettait vachement en lumière les rapports de classe, de vraiment de qui c'est qui se sent légitime et à quel endroit tu fabriques des économies et à quel endroit t'en fabriques pas. Et que sur un peu les questions sur qu'est-ce que ça a changé dans le rapport ou c'était quoi un peu les points de comment on les travaillait, bah, je pense en vrai que ça a été vraiment... que quand même le premier endroit où tu brasses de l'argent, souvent c'est quand même dans ta famille, qui du coup, grosso modo, c'est la classe sociale d'où tu viens, et puis qu'après, en fonction de comment tu socialises, bah, tu socialises plus ou moins avec les gens de la même classe sociale que toi, et que du coup, moi je trouve que d'être dans des mutuelles d'argent, c'est aussi un endroit où ça vient vachement fort visibiliser qu'en fait, on n'a pas du tout le même rapport à l'argent, mais souvent que c'est quand même qu'on ne vient pas de la même classe sociale avec... la même façon de l'avoir travaillé. Et il n'y a pas que la question de la classe sociale, je pense qu'il y a vraiment aussi d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, pour moi, ce qu'il y a vraiment des trucs qui ont fait bouger, c'est déjà d'avoir beaucoup de discussions et beaucoup de visibilité sur ce qui se passe. Et que ça, c'est pas rien non plus, quoi, je trouve, de dire tu fais tes comptes tous les mois, t'écris combien tu gagnes précisément, combien tu dépenses précisément, dans quoi tu dépenses, et puis tu le dis à des gens. Et après, tu en discutes ensemble, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça fait des... Et sur cette question de la légitimité, vraiment, moi, je trouvais que c'était de... par exemple, cette idée de, par exemple, de pouvoir aller piocher dans la caisse collective s'il n'y a pas des économies suffisantes de base, s'il y a, en raison, par exemple, de gros soucis, par exemple, de soucis de santé, etc. Enfin, que nous, c'était, on a mis du temps à mettre le doigt sur des histoires aussi vraiment de ouais, encore une fois, de rapport de classe, de dire que c'est plus facile de se dire il faut pas avoir de rapport jugeant sur il faut absolument piocher dans la caisse collective et surtout pas regarder dans quoi on va dépenser, alors qu'il y avait des personnes qui disaient bah pour moi en vrai c'est pas possible d'aller me payer des trucs ou un peu en surplus tant que je suis pas sûre qu'on a une économie suffisante si jamais un jour il y a vraiment zéro thune et qu'il y a un grave accident, plus aucune possibilité de faire de la thune et que je suis pas sûre qu'il y a suffisamment de thune de côté par exemple. Et que ça, je trouve, c'était en faisant beaucoup de discussions et en étant pas mal confronté à... Enfin, je sais pas, c'était vraiment du temps, du travail de confiance aussi, de comprendre où étaient les nœuds et comment on fonctionnait, quoi. Et ça, je trouve intéressant parce que j'ai l'impression, où on a eu cette discussion aussi à Santé, que, parce que moi, au début, j'ai eu vraiment l'impression que la caisse, pour moi, c'était plutôt un truc, on va dire, un équilibre dans le quotidien. De dire, ah, un mois, je gagne un mois ou plus, ou je sais pas. Et ça, c'était très facile avec la mutuelle. Et après, les discussions, oui, vraiment, parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression, il y a plus de soucis dans le quotidien, ou quand tu dis aussi, des trucs, oui, mais s'il y a vraiment un truc qui arrive, ou si à un moment, j'ai vraiment besoin de l'argent comme une grosse somme, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, comment on fait? Et comment créer aussi une confiance que ça aussi s'est porté par cette groupe et peut-être c'est pas l'argent dans la groupe, dans cette caisse des quotidiens, mais le truc que nous on a fait aussi, où je trouve que ça va ensemble, les discussions qui a quoi, ou aussi c'est qui va hériter ou pas, et que c'est aussi l'argent après qui va être partagé. Mais bon, c'est difficile après de créer une confiance que... Bon, ça va être là encore dans quelques années ou pas, parce que c'est quand même aussi dépendant qui est dans la mutuelle, qui part, c'est qui vient. Ouais. Et nous, je trouve que ça a changé aussi sur dans la mutuelle, qui prend pas dans la caisse bison. Il y a eu aussi des discussions de... Bah aussi, c'est t'as de l'argent de côté, t'as pas d'argent de côté, pourquoi tu prends du cash ou pas. Mais ça aussi un peu, je veux dire, pas décomplexé, ce serait un peu con comme mot, mais ça a aussi détendu aussi sur le rapport de bah, je peux payer quand j'ai de l'argent, je peux payer à bouffer à d'autres. Aussi, ça a changé aussi des habitudes dans le quotidien et pas que lié autour de la mutuelle. Parce que une des critiques dans la mutuelle, c'était bah, en fait, ça va pas. Ça va pas solutionner tous les problèmes, tous les coups durs. Ça sera une partie pour s'entraider sur des coups durs, un outil pour en discuter, pour visibiliser en fait ce que tu vis, ce que des fois tu le vis. Soit t'as des coups durs, soit t'as des coups de jackpot, quoi. Soit du coup j'ai un coup de jackpot, j'ai un héritage, j'ai gagné de l'argent, j'ai une prime au travail, je sais pas, derrière plein de trucs. Je le garde bien pour moi, ou l'inverse, je le garde bien pour moi. Du coup, là, tu peux en discuter et comprendre les vécus des personnes et aussi bah, un peu de détendre sur l'argent que tu peux gagner, pas gagner. Nous aussi, ce qu'on disait un peu, c'est que nos situations, elles sont pas les mêmes peut-être à vie. Notamment, t'as commencé à être à la mutuelle, t'as commencé, et ben, tu travaillais, et après t'es passé au chômage, et après t'as été au RSA, ou t'es passé du RSA à retravailler. D'ailleurs aussi, on s'est toujours dit que le mouvement il allait se faire sur le temps, et que c'était pas du tout quelque chose de très efficace. Et donc, et ça, c'est vrai, c'est que des personnes, elles sont aussi permises de lâcher leur travail, de se dire bah, je peux prendre du temps libre parce qu'il y a la mutuelle qui est là, je peux me permettre de pas avoir mes droits tout de suite. On s'est aussi tenu là-dessus, quoi. Et après, ouais. Mais c'est un outil, hein, moi, pour moi, c'est un outil pour discuter de l'argent et pour réfléchir à ce de société capitaliste, et c'est un outil avec des limites ouais, mais en tout cas que c'est un outil vraiment hyper quand même très concret. Moi c'est ça que j'ai adoré dans une mutuelle, c'est que quand même t'es directement dans, quand même tenter effectivement aussi ce que disait la copine de Marseille, d'être dans le concret, de ça veut dire quoi la répartition, quoi. Et réfléchir un peu à sur quoi tu tu t'accroches, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais en tout cas, c'est quand même... Ça, c'est quand même super chouette de tenter des choses pratiques, quoi. Moi aussi, vraiment, je trouve ce truc de voir ensemble, parce que, comme on a dit aussi, il y a des trucs super perso et politiques d'où tu viens, des classes, de tout ça, mais ça fait aussi de quand même... Je sais pas comment dire, je trouve souvent un truc... Il y a des parts où souvent tu réfléchis, où tu... ça seul ou dans des groupes politiques ou je sais pas, mais là c'est tellement concret avec un truc de manière, la manière de, que tu as avec l'argent, que c'est super émotionnel en même temps. Mais je trouve que c'est aussi une valeur, mais valeur c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais très, si, ou pour moi c'est une valeur que de pouvoir partager ça aussi avec des gens, parce que j'ai l'impression que tu peux quand même vraiment aussi développer ensemble, quoi, et pas seulement rester sur ce truc que tu as eu au début, quoi. Parce que je trouve que c'est aussi un truc de... Tu vois, qu'est-ce que ça fait? Alors peut-être après, tu essaies un autre truc, tu rediscutes. Ah, ça fait mal. Ah, là, ça fait du bien. Ah. Et après, de vraiment construire un truc collectif autour que vraiment d'essayer de déconstruire ces trucs perso avec l'argent, que ça devient un truc collectif. Et que ça, je trouve, ça peut aider d'avoir un nouvel rapport... avec l'argent, quoi. Parce que souvent, l'argent, il est super chiant s'il y a un rapport individuel. Et si c'est plus collectif, c'est plus... bon, zen, c'est peut-être un peu exagéré, mais... Il y a du soutien, quoi. Genre, t'es plus tout seul. Et aussi, là, c'était... On n'en a pas du tout parlé, et puis il n'y aura pas le temps, mais c'était... Moi, je me dis, dans les autres expériences que je trouve intéressantes à aller creuser, mais ça pourrait être une autre émission un jour, peut-être, c'est aussi sur vraiment les personnes qui montent des structures plus ou moins grosses, avec des gens qui ont des tafs assez différents à l'intérieur, avec habituellement dans la société des rémunérations différentes, et qui tentent l'égalité salariale complète, par exemple. Mmh. Et moi, je vois, il y a des camarades à Grenoble qui ont monté un centre de santé, et qui sont partis sur des bases politiques, travaillées pendant pas mal d'années là sur c'était quoi les bases qui valorisent, etc. Et il y avait notamment un enjeu vraiment de faire de l'égalité salariale stricte en temps horaire, quoi, c'est-à-dire à même volume horaire, même paye, quoi, point barre. Et en même temps que ça a amené des heures et des heures de discussion, parce qu'ils voulaient vraiment pouvoir justifier le pourquoi du comment, et qu'ils ont remis dans la balance est-ce que le mérite, ça doit être payé plus, est-ce que c'est la pénibilité du travail, est-ce que c'est le fait d'avoir des gamins, est-ce que c'est enfin plein de choses qui ont été re-questionnées. Et là je dis qu'ils font égalité salariale stricte, c'est pas vrai, parce que je crois qu'ils ont retenu quand même deux critères, qui est la pénibilité qu'ils ont dû définir, aussi ça veut dire quoi la pénibilité du travail, et effectivement le fait d'avoir une famille à charge ou pas dans la différenciation salariale. Mais que pareil, je trouve que c'est des expériences vachement intéressantes, quoi. Bah ouais. Donc on a dit aussi au début, comme c'est un thème très très large, qu'on a envie de faire plus d'émissions dessus, quoi. C'était un peu une première, un peu, bon, technique, c'était même pas si technique, mais après qu'on a dit peut-être on va parler plus d'héritage aussi, ou faire une rediffusion d'une super chouette émission qui était déjà... C'était Radio Galère à Marseille. Et comme tu dis, bon, il y a plein de choses qu'on a encore envie de partager avec vous. Mais là, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Au revoir. Alors, au revoir. Et on se retrouve dans 2 semaines. Tout ça en écoutant Meryl, qui est un peu mon crush du moment. La chanson Billet. Voilà. Bonne écoute et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Dans 15 jours, c'est la rediff de l'émission sur l'héritage, c'est ça? Ouais, c'est okay. Ça. Et nous, on revient pour un direct le 19 janvier, non? C'est ça? Je crois que c'est un truc pas comme avant, ça. Hein. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Si j'ai sur des pages, quand ce qu'on a pu saigner, t'auras la vie en rose. Mon parcours, ma déclaration, ça sert à rien de parler, mes trophées seront tes roses. La divine amie. tes névroses. Je suis pas passée par quatre chemins, où je ne suis qu'une seule. Je vais y laisser mes traces pour retrouver la maison, poche remplie, cœur léger. Remplis cœur léger.